Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. C'est une histoire de voyage et de rencontres. De voyage de Tahiti à Hawaï, mais aussi dans les cités grecques, antiques et au pied du mur de Berlin. Aujourd'hui, ce sont des rencontres avec des étudiants devenus grands penseurs, avec des historiens du passé, avec Hérodote, mais aussi avec Cronos et Cronos, l'un avec un C, l'autre avec un K. C'est une histoire du temps, sans être une histoire du temps qui passe, de ce qui nous lie au temps. Mettons-nous au régime d'historicité. Voulez-vous répondre à une question, franchement ? Oui, bien sûr. Pourquoi cette passion soudaine pour le temps ? Pourquoi pas ? François Hartog, bonjour. Bonjour. Cette question de la machine à explorer le temps, mais pourquoi cette passion soudaine pour le temps ? En fait, dans la question, il y a ce mot soudaine pour le temps. C'est peut-être là où tout se joue, c'est pas soudain pour vous ? Non, c'est pas soudain, mais ça n'a pas toujours été. Voilà. Et là, je n'ai pris conscience que progressivement que l'objet qui m'intéressait le plus, qui me préoccupait le plus, était le temps. Alors on me dirait que c'est assez banal, puisque tout un chacun peut en faire l'expérience et pourrait dire la même chose. Mais peut-être la seule différence, c'est que pour essayer, étant historien, de comprendre le présent, de comprendre ce qui se jouait dans nos sociétés à partir du moment où je me suis interrogé sur qu'est-ce que c'est que faire de l'histoire, à quoi ça rime de faire de l'histoire, eh bien, le fil du temps, si je puis dire, a été ce fil que j'ai essayé de tirer et de marquer les différentes époques du temps. Et à travers cette différence des époques du temps, proposer un diagnostic sur notre contemporain, diagnostic que j'ai essayé de formuler dans le livre qui s'est appelé « Régime d'historicité », paru en 2003. Et dans cette réflexion autour du temps, vous l'avez dit François Hartog, vous êtes historien, et l'idée, et presque le paradoxe, est que l'historien, l'historienne travaille à partir du temps, c'est sa matière le temps, sans souvent réfléchir à ce qu'est le temps. C'est ce paradoxe aussi qui vous a interpellé. Oui, c'est ce paradoxe qui m'a interpellé, puisque l'historien par définition travaille avec le temps, mais c'est tellement devenu une nature, une seconde nature, qu'au fond, il ne s'interroge pas forcément sur le temps lui-même et sur, justement, ces transformations du temps au fil des siècles, au fil du temps. Et le paradoxe, il m'a été, enfin, il a surgi pour moi de cette remarque de Michel de Certeau quand il disait que, justement, le temps, finalement, était l'impensé de cette discipline qui était l'histoire. Et après, quand vous lisez ça la première fois, vous dites, mais enfin, de quoi parle-t-il? Il se moque du monde. Et puis, en y réfléchissant, vous dites, mais peut-être bien qu'il a raison parce que les historiens ont un usage purement instrumental du temps. C'est là, ça a été toutes les, enfin, l'historien est celui qui, depuis Hérodote, si l'on veut, cherche à établir des synchronismes. C'est la première chose qu'il fait. Ceci s'est passé en même temps que cela, et à partir de ce synchronisme, je peux établir de l'avant, de l'après, je peux comparer, mettre en rapport telle cité, le calendrier de telle cité grecque avec le calendrier de telle autre cité, ou le royaume perse avec l'Égypte et avec la Grèce elle-même. Bon, donc, le synchronisme, c'est le point de départ. Et puis, quand Cronos avance en âge, si je puis dire, on va essayer d'établir non plus des synchronismes, mais de la synchronisation. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît dans le monde occidental, parce que ce qui n'était pas encore le monde occidental, ça apparaît avec le christianisme, puisque il va falloir mettre en ordre les chronologies païennes par rapport à l'événement fondateur axial qu'est l'incarnation. Et le grand synchronisateur, évidemment, c'est le Christ. C'est intéressant que vous parliez de religion. après avoir évoqué Michel de Certeau, oui. Théologien, prêtre, philosophe. Et vous souvenez, vous, François Hartog, du moment où vous avez découvert cette phrase, l'impensé d'une discipline, c'est le temps. C'est ce moment-là où vous avez dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se joue dans ma propre histoire, au sens de ma propre pensée, et peut-être même ma propre carrière. Oui, c'est dans les années 80. Dans les années 80, et je ne suis pas... Alors, à ce moment-là, j'étais plutôt tourné vers l'historiographie, c'est-à-dire la réflexion, l'histoire de l'histoire. C'était le moment, ce sont les années où j'ai écrit ce livre sur Fustel de Coulanges, pour essayer... Alors pourquoi Fustel de Coulanges ? Bon, pour essayer de comprendre quels étaient les enjeux de l'histoire de France. Puisque Fustel de Coulanges, connu pour avoir écrit La Cité antique, a cessé de faire de l'histoire ancienne, n'a plus jamais écrit de livre d'histoire ancienne, et s'est lancé dans une grande histoire de la France qu'il n'a jamais achevée parce qu'il est mort avant, et peut-être n'aurait-elle pas pu l'achever d'ailleurs, mais qui était une histoire de la France des origines jusqu'à 1789, puisqu'il fallait comprendre que faire de la Révolution française, qui, comme vous le savez, est la grande question qui traverse tout le XIXe siècle. Et on peut évidemment citer Michelet, qui lui en a fait aussi le cœur de son histoire de France. Donc, j'étais plutôt dans ce type d'interrogation, ce qui était déjà une interrogation sur les temporalités, puisque justement, il fallait passer de la cité antique à Fustel, l'histoire de France, à comment écrire une histoire de France, puisque le point de départ de tous ces historiens était de dire « la France n'a pas d'histoire, il faut, donc c'est à moi de le faire », et ils se sont tous mis au boulot pour le faire, chacun prétendant le faire mieux que les autres, comme ça va de soi. Bon. Et donc j'étais dans cette perspective, et puis l'interrogation sur le temps, elle a cheminé par une autre voie, qui est celle de ma lecture des anthropologues, ou de certains anthropologues, et aussi, justement, vous parliez de voyage en commençant, d'un voyage que j'ai eu la chance de pouvoir faire autour du monde. Oui, parce que cette histoire-là est une histoire qui n'emprunte pas un chemin unique. Et c'est en cela on voit bien que votre parcours de pensée, François Hartog, est passionnant, à la rencontre de Chronos, c'est l'ouvrage que vous publiez, CNRS édition, qui retrace tout cela, où il y a ces voyages et ces rencontres. Vous avez cité Fustel de Coulanges, historien du 19e siècle, hautement reconnu pour son ouvrage sur la cité grecque, et c'est intéressant de se dire qu'il n'a fait que ça. Mais là aussi, il y a un peu de voyage et un peu de rencontre, parce que pour vous, la rencontre avec lui, c'est ce chemin qui vous a conduit à Strasbourg, où il enseignait. C'est intéressant de voir comment un parcours humain, le vôtre, croise cette pensée du passé. C'est quand vous avez été affecté, je crois que c'est comme ça qu'on dit, à Strasbourg pour enseigner. Oui, j'ai enseigné 10 ans à l'université de Strasbourg. Et alors, comme je le dis de manière comme ça un peu humoristique, à force de passer tous les jours à l'université devant la salle Fustel de Coulanges, j'ai fini par me dire, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il voulait. Et il y avait cette interrogation d'emblée. Il écrit La Cité antique, qui est un livre qui a marqué. Pour quelqu'un à 34 ans, écrire un livre comme ça, c'est pas rien. Bon. Et puis, c'est fini. On passe à l'histoire de France. Et donc, ça m'a aussi interrogé, moi, dans ce que je voulais faire, puisque je pensais bien que je ne resterais pas toute ma vie sur la Grèce. Oui, c'est ça qui est le cœur même de ce propos et ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire sur France Culture. C'est cette réflexion, comment se construit une pensée. Et en l'occurrence, là, avec vous, François Hartog, on a fait un petit tour à Strasbourg, on a rencontré Fustel de Coulanges, mais vous l'avez dit aussi, il y a des voyages. Et là, nous allons beaucoup plus loin. Tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce que vous êtes un homme d'aujourd'hui ? J'ai répondu oui. Mais je suis aussi profondément pénétré de culture grecque. Et je crois que toute une partie en moi, de l'humain, est devenu grec, si je peux dire, a été naturalisé grec, non pas naturalisé, mais humanisé grec. Il m'arrive de penser et de sentir comme un grec, de l'époque ancienne, en partie. Jean-Pierre Vernant qui s'exprime sur la Grèce. François Hartog, là aussi, il est question de rencontre. Oui, alors c'est évidemment, ça, entendre la voix de Vernant me touche. Lui qui dit, voilà, je me suis fait grec. Bon, mais au fond, moi, je ne me suis jamais fait grec. C'est peut-être ai-je eu tort, mais en revanche, ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est la rencontre effective avec Jean-Pierre Vernant, puisque comme étudiant, j'ai suivi son séminaire, et puis après, voilà, nous sommes devenus, si j'ose dire, des amis. Et là, donc la rencontre avec Vernant, avec tout ce qu'il représentait, à la fois son passé de résistance, cette approche nouvelle qu'il proposait pour la Grèce, sous le nom, disons, de ce qui était le terme générique à l'époque, l'anthropologie historique, tout ça a marqué ma façon d'aborder la Grèce. Et donc ma façon d'interroger Hérodote, puisque, c'est là que je dis, je ne me suis pas fait grec, Hérodote m'intéressait, bien sûr pour lui-même, mais il m'intéressait aussi par rapport à ce contexte intellectuel des années 1970-80, qui était l'anthropologie et l'histoire. Bon. Et Hérodote, alors je disais comme ça un peu de manière lapidaire, Hérodote est une espèce de Lévi-Strauss de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il a essayé de penser l'ensemble des cultures de la terre habitée, comme disent les Grecs, du monde, et de trouver des principes d'ordonnancement. Avec justement les oppositions entre le haut, le bas, le chaud, le froid, le jeune, le vieux, etc., etc. Et de construire comme ça des tableaux d'opposition, un peu à la façon dont Lévi-Strauss avait construit ses tableaux d'opposition. Et donc, du même coup, Hérodote trouvait un nouvel intérêt. Il n'était plus seulement ce père de l'histoire, mais un peu, dont on disait, oui, bien sûr, c'est le père de l'histoire, mais enfin, il raconte quand même beaucoup beaucoup d'histoires, justement. Et la vraie histoire, l'histoire solide, l'histoire positive, elle commence avec Thucydide. Bon, alors, j'ai pas voulu dire que Thucydide n'était rien et Hérodote tout, mais je pense qu'on pouvait jeter un peu le projecteur sur Hérodote pour montrer la fécondité de la démarche d'Hérodote et de son projet. Et puis dans ces rencontres, nous l'entendons bien, François Hartog, il y a la rencontre avec d'autres pensées. Nous avons cité Michel de Certeau, c'est la philosophie. Lévi-Strauss, ben là c'est l'anthropologie. La nécessité évidente pour l'historien, l'historienne, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est cet échange constant qui vous a permis aussi de réfléchir sur ce qu'est le temps. Oui, en effet, puisque les anthropologues, enfin, Lévi-Strauss et Marshall Salins, à qui je dédie ce livre à la rencontre de Cronos, ce sont eux qui ont attiré mon attention sur les différences de temporalité. Quand Lévi-Strauss parle des sociétés chaudes et des sociétés froides, cette fameuse formulation qui a suscité des polémiques innombrables, il ne voulait pas dire qu'il y avait des sociétés qui avaient de l'histoire et d'autres qui n'en avaient pas, d'autres qui étaient dans l'histoire et d'autres qui ne l'étaient pas. Il voulait dire que le degré d'historicité n'était pas le même. Alors celle qui était chaude, c'est celle qui avait fait de l'histoire le moteur de leur développement, et les froides, c'est celles qui n'avaient pas fait ça. Bon. Et du même coup, on voyait bien surgir le thème des temporalités différentielles. Et donc, c'était un premier pas vers ce que j'ai appelé un peu plus tard régime d'historicité, qui est, encore une fois, cette façon d'articuler les trois catégories du passé, du présent et du futur. Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps que vous aviez fait paraître au Seuil en 2003, François Hartog. Nous avons promis des rencontres, et là, il y en a eu déjà. Nous avons promis des voyages. Nous avons déjà fait un petit tour à Strasbourg et dans la Grèce antique. Bien, nous continuons le voyage. Allez. L'éveil né, François Hartog. Parce qu'à la rencontre de Chronos, le titre de votre ouvrage, il y a un chapitre intitulé « De Tahiti à Hawaï ». Que viennent faire les Vainés dans cette histoire? Les Vainés, ben, elles ne sont pas là pour l'exotisme, mais elles sont là parce que, au cours de ce voyage autour du monde, j'ai passé beaucoup de temps dans l'océan Indien, en Indonésie, mais aussi un peu de temps dans le Pacifique et du côté de Tahiti et des îles de Polynésie. Et là, j'étais au fond... alors c'était aussi l'aspect un peu voyage d'initiation, enfin, voyage littéraire. Hein, c'était aller à la rencontre, entre guillemets, de Victor Segalen et de Paul Gauguin. Bon, et les deux s'étant croisés en Polynésie. Et Victor Segalen, il y a ce livre fameux qu'il a publié qui s'appelle « Les Immémoriaux », qui relate la façon dont les missionnaires britanniques ont décervelé les Polynésiens qui sont devenus justement des immémoriaux, des oublieux. En les convertissant, ils ont dû abandonner toutes leurs coutumes, manières d'agir, manières de faire, manières de penser, etc. Et c'est ce dont parle Segalen dans ce très beau livre. Segalen ayant lui-même séjourné à Tahiti comme médecin de la marine. Et donc c'est une réflexion sur l'exotisme. Bon, ça n'est pas un plaidoyer pour l'exotisme, c'est une réflexion critique sur l'exotisme, puisque il essaye de se placer du point de vue des Polynésiens qui se trouvent comme ça contraints par les missionnaires et qui, pour certains, font du zèle dans ce sens-là et vont au devant de l'oubli. Et puis les quelques-uns qui résistent, eh bien évidemment, il leur arrive de graves ennuis. Et quant à Gauguin, bah ce sont les marquises, et alors c'est toute cette thématique là aussi reprise par Gauguin à sa façon de l'exotisme et de cette peinture qui Gauguin se présentant autour de cette thématique du maître du jouir. Et dans cette histoire de rencontre, il y a la rencontre entre deux régimes d'historicité quand les Européens arrivent dans ces îles. Et c'est passionnant de voir cela parce que vous évoquez les missionnaires qui conduisent à l'oubli pour des régimes d'historicité qui existaient déjà, mais la rencontre elle-même explique, et d'ailleurs c'est très intéressant pour tous les historiens de cette période-là, explique l'incompréhension. Oui, et ça je le dois évidemment à Marshall Salins quand il retrace comment les quiproquos qui ont surgi à Hawaï avec Cook, bon, où il est Cook arrivant à Hawaï et pris pour le dieu Lono qui vient, et puis évidemment pour les Anglais, il s'agit pas du tout de ça, il s'agit d'essayer de mettre la main sur les îles et leurs habitants et au nom de la reine Victoria. Bon, et le quiproquo est un quiproquo qui a une dimension temporelle puisque il ne résonne pas dans les mêmes temporalités. Bon. Et les Anglais ne peuvent pas comprendre la logique qui est celle des Polynésiens essayant d'appréhender ce qui arrive, ce qui leur arrive avec Cook et ses bateaux, et les Anglais étant incapables de saisir ce qui se joue dans le regard que portent sur eux les Polynésiens, et la catastrophe survient quand Cook, pour des raisons d'avarie d'un bateau qui était parti, revient faire une escale pour réparer. Et là, c'est pas prévu dans le scénario, ce retour de Lono. Et par conséquent, ça se passe mal. Et Cook finit tué et mangé. Bon, donc, tout ne s'explique pas par la temporalité, mais les écarts comme ça, les de temporalité, font que la rencontre devient incompréhensible d'un côté comme de l'autre. Et qu'au fond, alors à la fois ils se rencontrent, et même fortement, puisqu'ils finissent par se taper dessus, mais pas un instant, il y a de communication véritable. Vous, François Hartog, lors de ce voyage autour du monde, c'est en 1973, vous aviez 27 ans, aviez-vous ressenti cette différence? Alors vous n'aviez pas encore évidemment réfléchi au régime d'historicité, mais il y a un ressenti que ce n'est pas pareil, que la relation avec le temps n'est pas la même. Vous aviez ressenti ces différences? Oui, alors je l'ai ressenti, je pouvais en avoir une expérience livresque. Bon, en lisant Ségalène, on saisit bien qu'il y a ces temporalités qui ne peuvent pas se rencontrer. Mais je l'ai rencontré, alors j'ai ressenti pendant le voyage lui-même, non pas que j'ai, enfin, je n'ai pas fait moi-même un travail dans l'ethnologie, même si j'ai accompagné un ethnologue quand j'étais en Indonésie, qui a eu la grande gentillesse de m'accueillir. Mais je saisissais, là peut-être où je l'ai saisi de la manière la plus nette, c'est dans ces grandes villes d'Asie. Singapour, où j'ai passé quelques jours, qui était une ville qui, avec ses contrastes considérables entre cette modernité qui était déjà là, ces grands buildings, ces banques, etc., et puis ce port avec des dizaines et des dizaines de jonques visiblement vivaient avec un autre rythme. Tout se faisait dans la rue, il y avait les petites échoppes avec les cuisines, on mangeait comme ça dans la rue. Bon, et puis vous aviez les restaurants climatisés. Ce sont des contrastes évidemment entre de richesses, ce sont des contrastes de population, mais ce sont aussi des contrastes qui renvoient à des temporalités, des expériences du temps qui sont différentes. Ce voyage, c'était en bateau. Beaucoup. Beaucoup. C'est intéressant parce que 1973, guerre du Kippour, le canal de Suez est fermé, ce qui vous oblige à faire le tour de l'Afrique. Cette temporalité-là est autre. Non, mais c'est vrai que c'est pas la même chose de voyager en avion et de voyager en bateau. Ce tour du monde, c'est pas du tout la même chose. Mais à ce moment-là, François Hartog, 1973, vous avez 27 ans, l'idée d'être historien n'est pas une évidence. Non. L'idée des historiens n'est pas une évidence. J'ai commencé donc à travailler sur la Grèce, mais dans cette perspective, avec Vernant Vidal-Naquet, d'anthropologie historique, j'ai aussi, une tentation littéraire. Je suis parti avec justement Ségalène dans mes bagages et puis des carnets. Oui, vous le dites bien, il y a des carnets, c'est à remplir. À remplir, ils sont plus ou moins remplis. Et puis, il y a l'anthropologie, en effet, qui, puisqu'il y a anthropologie historique, il y avait anthropologie. Et à cette époque, le nom qui, en France, s'imposait pour nous, c'était évidemment Lévi-Strauss. Et donc, avec ce livre admirable qu'est Triste Tropique. Bon, alors lui, c'est l'expérience des Nambiquara, des hauts plateaux brésiliens, c'est un autre univers. Mais la discipline qui régnait à ce moment-là, c'était l'anthropologie. La discipline, alors à travers la linguistique. Enfin, la version lévi-straussienne de la linguistique pour l'anthropologie faisait que l'anthropologie était dominée à cette époque, l'histoire et pratiquement toutes les disciplines. Donc il y a eu cette tentation, et finalement je ne suis pas devenu anthropologue ou ethnologue, même si j'ai eu une petite expérience justement de terrain en Indonésie, comme je le disais il y a un instant, grâce à un ethnologue qui est décédé, qui s'appelait Christian Pelleras, spécialiste de l'Indonésie, spécialiste des bouguistes, de cette population de marins, puisque c'était ça qui m'intéressait, c'était ça mon objet d'étude, entre guillemets, pendant ce voyage. Et oui, j'ai été très tenté, je ne l'ai pas fait. Bon, on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait, mais il y a probablement aussi une certaine paresse de ma part, puisqu'il fallait recommencer une formation complète, donc ce qui voulait dire apprendre des langues, etc., etc. Parce que à ce moment-là, c'était pour me focaliser sur l'Indonésie. Et puis, il y a le fait que justement, j'avais, par ma formation avec dans le milieu déjà de l'école des hautes études, cette ouverture sur l'anthropologie, sur la philosophie, sur la littérature, et mon travail s'est trouvé transformé. Enfin, le projet de thèse que j'avais déposé avant de partir s'est trouvé transformé, et c'est finalement devenu ce livre sur Hérodote qui tourne autour de la problématique de l'altérité. Voilà, plusieurs voies possibles, la littérature, mais ça, c'est fait, j'ai envie de le dire, parce que à partir du moment où l'on écrit un livre d'histoire, on fait acte de littérature, parce qu'il faut bien écrire pour être lu, même quand on écrit de l'histoire, et ce qui est votre cas, François Hartog. Et puis, il y a l'anthropologie ou l'histoire, des voies différentes, toujours des histoires de rencontres. Pierre Vidal-Naquet. L'historien n'est pas un homme qui vit dans le passé, par définition même. C'est quelqu'un qui vit dans le présent, qui résonne à partir du présent. Non, ce n'est pas un paradoxe. Il y a une anecdote célèbre, du moins chez les historiens, c'est celle que raconte le grand historien français Marc Bloch. Au début des années 30, il se rendait à Stockholm en compagnie d'un historien belge fort célèbre de la génération précédente qui s'appelait Henri Pirenne. Oui. Et Pirenne dit à Marc Bloch, en débarquant, on vient de construire ici un hôtel de ville, allons le voir, je suis historien, je m'intéresse donc d'abord au présent. Cette rencontre, quelle importance dans votre cheminement ? Vidal-Naquet ? Oui. Oui. Alors elle est importante de plusieurs façons. Elle est importante d'abord parce que je l'ai rencontrée pour la première fois, physiquement, quand il était venu à l'école normale, où j'étais alors, pour donner un cours sur la religion grecque, et c'était l'époque où il travaillait sur l'Odyssée. Il avait fait ce... Bon. Et Vernon était venu également, et Détienne était venu également. C'était en principe pour des cours d'agrégation. Et Vernon m'avait tellement impressionné que j'avais pas osé l'aborder. Détienne ne ressortait pas la tête de ses papiers, donc il était inabordable. Et Vidal-Naquet, qui lui avait l'air comme ça beaucoup plus, comment dire, un peu comme ça, avec son air un peu dépenaillé, m'avait paru plus abordable. Bon, et donc j'étais allé le voir en lui disant, voilà, je voudrais faire l'année prochaine, puisque c'était ce qu'on faisait à l'époque, une maîtrise dans ce domaine de l'histoire ancienne, parce que bon, j'avais lu un peu des livres de Dumézil qui m'avaient paru lumineux, parce que ça donnait tout d'un coup un éclairage plein d'intelligibilité, plein d'intelligence sur cette trifonctionnalité, sur le Rome principalement, tout d'un coup l'histoire romaine prenait une toute autre saveur que les cours qui étaient ceux de Carcopino ou encore ceux de Carcopino, donc très très ennuyeux. Et Vidal-Naquet m'avait dit oui, et lui, travaillant à ce moment-là sur l'Odyssée, ni une ni deux, il m'avait dit, ben voilà, vous travaillerez sur l'Odyssée. Voilà, au moins comme ça, quand c'est Pierre Vidal-Naquet qui vous donne votre sujet à l'époque de maîtrise, vous dites c'est pas mal quand même, hein, c'est bien, mais le sujet de maîtrise, puis sujet de thèse, ben, c'est quelque chose que l'on garde en soi, que l'on construit. Mais pour vous, François Hartog, nous l'avons dit, il y a quand même d'autres choses, notamment ce voyage. Dès lors, pour Pierre Vidal-Naquet, il est question, pour recevoir enfin votre travail, d'attendre. Oui, il faut attendre, c'est aussi ça le temps. J'attendrai t'attendrai toujours, t'attendrai toujours. J'attendrai car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Le temps passe si court, oh, oh, oh, en battant tristement dans mon cœur. Et pourtant, j'attendrai ton retour. J'attendrai par Joséphine Baker dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Sam Bakiast. Aujourd'hui à la technique, Ludovic Auger. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire avec François Hartog, nous réfléchissons au temps, à votre temps aussi, François Hartog. Vous venez de nous le dire, il y a eu ce travail sur Hérodote, maîtrise et puis qui devient thèse. Et puis nous le savons, parce que vous nous l'avez expliqué, dans les années 1980, toute cette réflexion sur le temps. Michel de Certeau, qu'est-ce que le temps ? L'histoire réfléchit au temps. Puis il y a aujourd'hui, à la rencontre de Chronos, que vous publiez. Quand vous regardez votre travail du début, vous dites, c'est incroyable, je ne pourrais plus faire ça parce que depuis, il y a eu toute cette réflexion sur le temps. Je ne pourrais plus faire ça, non, je ne pourrais plus. Mais je le ferai avec une autre perspective. Mais, alors, sans vouloir prétendre qu'il y a une unité absolue dans tout ce que j'ai fait, je pense qu'il y a quand même un fil conducteur. Bon. Et que commencer par un travail sur Hérodote, c'est, alors, introduire une réflexion sur l'histoire, introduire une différence, une réflexion sur, justement, comment peut-on lire Hérodote aujourd'hui? Donc il y a la thématique, cette thématique dont que j'ai évoquée sur anthropologie, histoire, qui renvoyait à des débats du moment. Donc le temps, les différences de temporalité, la perspective de la différence des temps se trouve présente. Bon, avec Fustel de Coulanges, évidemment, aussi. Et puis, ensuite, tous les autres livres alors sont plus marqués par l'élaboration de le concept de régime d'historicité. Oui, parce que régime d'historicité, c'est l'ouvrage que nous avons cité. Il y a Chronos, hein, l'Occident aux prises avec le temps, que vous avez publié chez Gallimard. Dans cette réflexion sur le temps, nous sentons bien qu'il y a sans cesse cette référence au savoir de l'Antiquité, qui est essentielle hein, d'ailleurs pour comprendre le aujourd'hui. D'ailleurs, Chronos, ce n'est pas rien. Qui est Chronos? Parce que c'est cette question. Le mot sonne, hein, Chronos, le chronomètre est là, c'est formidable. Mais en réalité, il est beaucoup plus complexe, ce mot. Oui, alors Chronos, c'est le temps, en effet, et pour les Grecs. Et si on s'interroge à l'étymologie, les philologues disent qu'on ne sait pas quelle est l'étymologie de Chronos. Et puis, il y a à côté de ce Chronos qu'on écrit CH, il y a un Chronos qu'on écrit avec un K, qui, lui, alors, est tout à fait identifié, et qui est une des divinités du panthéon, enfin, une des divinités de la première du monde grec, et qui, en principe, n'a rien à voir avec le temps. C'est un dieu qui a été détrôné par son fils. Et ce Cronos-là, il s'inscrit dans cette perspective développée en particulier par Hésiode, de réflexion sur les mythes, ce qu'on appelle les mythes de souveraineté. C'est-à-dire comment, qui vient au pouvoir, comment se transmet le pouvoir, comment on prend le pouvoir ou comment on garde le pouvoir, puisque Zeus est celui qui va le garder. Il l'a pris, il l'a gardé, et il entend bien le garder pour toujours. Bon, donc... Ce Cronos-là, il s'inscrit dans un autre univers. Néanmoins, du fait de l'homophonie, Cronos, les deux ont tendu, dès l'Antiquité, à être rapprochés. Et comme le Cronos, le dieu, avait trouvé comme moyen de garder le pouvoir, de dévorer ses enfants... On a rapidement pu faire de Cronos le temps un dieu qui dévore et qui dévore tout. Bon. Donc on voit bien comment la logique au fond qui a réuni les deux et qui est restée active jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est passionnant d'ailleurs de voir cela avec un enfant qui échappe au gros festin, c'est Zeus qui renverse Cronos. Donc faut toujours se méfier, faut tout manger parce que sinon ça ne marche pas, parce que dans cette histoire-là, il y a cet intérêt comme vous venez de le raconter François Hartog pour cette antiquité, comprendre autour d'un mot Cronos, CH ou K. Et puis il y a des lectures, alors des grands classiques bien sûr, François Hartog s'installe et il commence à lire l'Odyssée. Tout se passa selon le vœu d'Ulysse. Lorsqu'il imagina cette ruse infernale. Moi, je fus réveillé par la lueur des flammes et surtout par la folle concert des hurlements, des cris, des gémissements, des appels mêlés au crépitement des incendies. Ce fut là, en dernier, tout ce que j'ai pu voir. Les flammes avaient brûlé mes yeux, laissant à mon esprit cette image d'horreur. Ma dernière vision avant la profonde nuit. Qui es-tu, étranger? Qui es-tu, toi, qui pleures sur le sort de Troie? C'est moi qui fus l'artisan de sa ruine. C'est moi qui conçus le piège. Tu es Ulysse. Oui. Un extrait de la série de Franco Rossi en 1968, l'Odyssée. François Hartog, pourquoi Ulysse pleure? Pourquoi Ulysse pleure? Beaucoup de gens se sont posé la question. La scène est la suivante. Ulysse est chez les Phéaciens. Il est arrivé, il a tout perdu, ses compagnons. Il est arrivé sans rien, nu. Et il est reçu par le roi des Phéaciens qui organise un banquet en son honneur. Et là, comme il est normal, quand on reçoit un hôte, on fait venir Laède qui chante, et il est de bon ton de demander à l'hôte « Que veux-tu qu'on chante pour toi ?» Et Ulysse dit l'épisode du cheval de bois, c'est-à-dire justement la ruse à laquelle il est fait allusion, là, cette ruse infernale qui a permis la prise de Troie. Et entendant ce récit... ce chant de Laède, Ulysse, alors que c'est son triomphe à lui. Bon, c'est cette affaire, puisque c'est grâce à lui que Troie est finalement prise, et pillée, et brûlée, et incendiée. Il pleure. Alors, selon moi, mais je ne prétends pas avoir l'explication finale de cette affaire. Selon moi, Ulysse pleure parce que il se trouve soudain confronté à celui qu'il était 10 ans plus tôt. C'est-à-dire cet Ulysse glorieux. Alors que là, c'est vraiment le pauvre type des pauvres types, qui n'a plus rien, même plus de nom, hein, puisque vous savez, il y a ce jeu sur personne, bon, je suis personne. Et cet écart entre les deux, qu'il n'arrive pas à combler, le fait pleurer. Ce qui me fait dire que ses pleurs remplacent les mots qu'il n'a pas, pour dire cette situation, pour dire... c'était Ulysse, c'était moi, et c'est moi, aujourd'hui. Bon. Il n'y arrive pas. Il pleure. Et c'est là ce que j'appelle, moi, sa rencontre avec l'historicité. C'est-à-dire cette distance qu'on ne peut pas combler entre soi et soi. Et pourquoi il n'arrive... Alors, on n'arrive pas à la combler, mais lui n'arrive d'autant moins à la combler qu'il n'a pas, si je puis dire, un concept de passé opératoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il a fait la veille, mais ça veut dire que il ne peut pas. Bon. Et il pleure. Et alors, il pleure d'autant plus que, imaginez la scène, il s'entend célébrer par la aide à la troisième personne. La haine dit Ulysse, etc. Donc, il entend ce que normalement il ne devrait pas entendre. C'est comme s'il était mort. C'est comme si on prononçait son éloge funèbre et pourtant il est là. Bon, donc là, c'est aussi assez violent comme situation. Et cette scène, alors, de pleurs, du coup, le roi qui s'en aperçoit va mettre fin va renvoyer la haine, enfin, on va reprendre un cours différent du banquet, et néanmoins celle qui va jouer un rôle de, comme ça, de déclencheur, lui permettant de recouvrer son identité. Puisque peu après, il va pouvoir dire, quand encore une fois on va lui demander « Mais qui es-tu ?» On entendait « Mais qui es-tu » il va pouvoir dire « Je suis Ulysse. Je suis Ulysse, le pilleur de Troie, le etc. Le glorieux Ulysse. » Donc, en ce sens, cette scène est absolument capitale, puisque c'est ce qui permet de ramener Ulysse jusque chez lui. Puisqu'à partir du moment où il dit « Je suis Ulysse », il peut raconter tout ce qui s'est passé, et c'est là qu'il commence, tous les épisodes antérieurs, c'est-à-dire combler les 10 ans. Le 10 ans à travers un récit, qui est son récit, et alors ces récits sont considérés comme mensongers. Bon. Mais, si l'on veut, c'est justement le moment où il dit vrai. François Hartog, vous n'avez pas pillé Troie, vous n'avez pas rien pillé du tout. Non. Vous avez un passé opératoire et aujourd'hui vous publiez La Rencontre de Chronos où, dans cet ouvrage, CNRS Édition, vous avez des échos à votre passé. Ça qui est très intéressant aussi dans cette démarche-là. Pourquoi aujourd'hui réfléchir à ce voyage? Je parle de Tour du Monde en 1973 que vous avez réalisé, à ces rencontres, à ces moments, à Strasbourg, ici et là. Pourquoi réfléchir à ça pour le mêler à la construction de votre pensée? Oui, ben pourquoi? Parce que ce sont pour moi des repères, bon, mais ce sont des repères qui s'inscrivent dans une histoire qui va bien au-delà de moi-même. Bon, donc c'est pas pour les mettre en valeur et dire voilà, vous voyez comme c'est extraordinaire ce que j'ai fait. C'est d'indiquer au fond la traduction personnelle de ces changements dans les temporalités, dans le rapport au temps qui s'est joué dans nos sociétés dans les 50 dernières années. C'est selon la formule de Nora, entre l'histoire qui vous a faite et l'histoire que vous faites. Bon, sa formule de l'égo-histoire. Bon, et donc c'est bien l'histoire qui m'a faite, l'histoire qui m'a fait. Oui. L'histoire qui m'a fait, est évoquée à travers ces moments, ces rencontres et cette chronologie. Ouais. Et puis, comment ces moments ont contribué à façonner le questionnaire que je me suis efforcé de développer au cours de ma vie. Au cours de votre vie et aujourd'hui encore, parce que le questionnaire est toujours opératoire, bien sûr, mais il est encore plus intéressant face aux évolutions du monde. Et vous, François Hartog, quand vous observez ce qui se passe sans cesse autour de nous, alors là, on pourrait prendre tous les titres de l'actualité, nous le voyons bien, du décès d'une souveraine au Royaume-Uni, qui d'un seul coup nous plonge dans une autre temporalité, à une guerre en Ukraine ou simplement à la catastrophe climatique, toute cette réflexion sur l'historicité, la temporalité, le rapport au temps devient intéressant. Alors, c'est toujours la même question. Pourquoi ? Pour le présent, le futur ? En tout cas, il faut avoir un regard sur le temps pour comprendre là ce qui se passe. Oui. Alors, si on revient à cet instrument du régime d'historicité, bon, que j'ai élaboré comme ça entre les années 70, 90, on pourrait dire, bon ben voilà, ça, on a l'ancien régime, le régime moderne, le présentisme, l'affaire est conclue. Mais précisément, on a rencontré ces derniers temps de nouvelles configurations, de nouveaux temps. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est que cette notion qui a été conçue avant ces événements permet aussi de les aborder. Non pas de dire que c'est le fin mot sur tout, mais ça permet aussi de les aborder et de les inscrire dans cette transformation qui ne cesse jamais des rapports au temps que les sociétés entretiennent. Et ainsi, le Covid a fait surgir des temporalités inédites qui méritent toujours qu'on essaye de les regarder aussi à travers l'instrument du régime d'historicité. Oui, parce que le régime d'historicité, effectivement, est quelque chose d'extrêmement mouvant. Nous le sentons bien parce qu'il correspond à tant et tant de situations. Et vous le sentez aujourd'hui, nous évoquions tout à l'heure ce grand voyage autour du monde, et jusqu'à la rencontre de Cook, et puis qui arrive dans les îles, et ces grandes différences. Mais en fait, ces différences si anciennes, ce sont les mêmes aujourd'hui. Il y a, pour expliquer aussi peut-être ces confrontations actuelle, l'idée qu'il y a plusieurs régimes d'historicité qui créent ces incompréhensions majeures. Oui, je crois. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire du régime d'historicité la pierre philosophale qui explique tout. C'est simplement, ça ajoute, à mon avis, de l'intelligibilité à des situations, si on prend en compte cette dimension-là. C'est tout ce à quoi je prétends. Et il me semble, pour prendre un exemple tout à fait simple, que on peut utiliser un objet technologique, le téléphone portable, que tout le monde quasiment a. On peut utiliser les mêmes téléphones portables et être dans des temporalités différentes, ne pas être forcément dans le même présent. Donc il y a ces décalages. Donc il ne s'agit pas de dire j'ai mon téléphone, je te parle et nous sommes dans les mêmes temporalités. Non. Et on voit bien que parmi les éléments des difficultés actuelles sociales, il y a aussi cette distance-là. Entre les gens qui sont complètement dans un présentisme qui était celui de la mobilité, de la flexibilité, de l'adaptation à tout, de l'instantanéité, et puis ceux qui sont interdits de projet, donc aucune possibilité, qui sont astreints ou qui sont assignés au présent. Celui qui est le plus assigné ou celle qui est le plus assigné au présent, c'est ce qu'on appelle de manière absolument déplorable le migrant. Bon, qui lui, c'est parce que quand on dit le migrant, ça veut dire c'est quelqu'un qui ne fait rien d'autre que migrer. Bon, il n'est même pas émigré ou immigré, il est migrant, et ce qui veut dire qu'il est enfermé dans le présent sans fin de la migration. Et là, on voit bien qu'il y a des écarts de temporalité qui sont porteurs de conflits sociaux qui peuvent être brutaux. C'est vraiment ce qui est intéressant dans cette réflexion et ce qui nous intéresse, j'allais dire, dans le cours de l'histoire sur France Culture, mais je pourrais ajouter sur France Culture en général, c'est cette recherche d'aller un peu partout, de réfléchir, et j'apprécie beaucoup votre modestie, François Hartog, quand vous dites attention, le régime d'historicité, c'est pas la clé de tout, mais c'est un élément, parce que rien n'est simple, il n'y a pas une ligne directrice, il n'est pas possible de tout expliquer tout le temps de manière très simple. Disons que c'était un peu le fantasme de Bouvard et Pécuchet. Un après-midi, Bouvard arriva hors d'haleine au ministère de la Marine et fit demander Pécuchet. Pécuchet ! Oh, Pécuchet ! Si tu savais ce qui m'arrive ! Eh bien, qu'y a-t-il ? Tu parais bouleversé. Mon oncle est mort ! Mon oncle est mort ! Hein ? J'hérite. Bouvard et Pécuchet. Ah, Pécuchet, nous rêvions de la campagne. Eh bien, nous allons nous y retirer. Que dirais-tu du Nord ? Oh, c'est un pays fertile, mais le climat y est trop froid. Le climat est trop froid. Le midi ne te paraît-il pas enchanteur ? Ah, sans doute, mais incommode, vu les moustiques. Oui, c'est vrai, il y a des moustiques. Oui. Le sang. Alors. Oh, franchement, il n'y a rien de curieux. Ah oui, que notre maison fût dans tel endroit ou dans tel autre, oui. Hein, l'important est que nous en ayons une. Après 18 mois de recherche, ils n'avaient pas encore trouvé la maison de leurs rêves. L'ami de Bouvard, Barberoux, les sauva. Un beau jour, il vint leur dire qu'on lui avait parlé d'un domaine à Chavignolles, entre Caen et Falaise. Cela consistait en une ferme de 38 hectares, avec une manière de château et un jardin en plein rapport. Ils se transportèrent dans le Calvados et ils furent enthousiasmés. Adaptation radiodiffusée de Bouvard et Pécuchet avec Michel Galabru, c'est Bouvard, et Jacques Duby, c'est Pécuchet. Je dis bien Jacques Duby, c'est pas Georges, hein, parce que souvent dans le cours de l'histoire, nous citons Georges, qui se rendent à Chavignolles. Dites-moi, François Hartog, vous avez été curé de Chavignolles à un moment dans votre vie ? J'ai fait ça, oui. J'ai tenu la cure de Chavignolles pendant quelques semaines, disons. C'est-à-dire que à l'école normale, la première année de l'école, au lieu de faire de l'histoire sérieusement, j'ai fait du théâtre. Et la troupe de l'aquarium, qui était cette troupe de l'école, et nous avions décidé de monter, donc c'était en 1969, hein, nous avions décidé de monter Bouvard et Pécuchet. Alors pas tout Bouvard et Pécuchet, mais... bien sûr, la révolution de 48 à Chavignolles. Et donc partir de ce chapitre de Bouvard et Pécuchet, et puis d'en faire un spectacle. Et parmi les rôles que j'ai joués dans ce spectacle, il y a eu celui du curé de Chavignolles. Oui. On se moque beaucoup de Bouvard et Pécuchet, Flaubert évidemment. C'est la curiosité aussi, moi, qui m'a toujours touché avec ces deux personnages. D'accord, c'est maladroit, d'accord, ils partent dans des théories absolument folles. Mais enfin, la curiosité, l'envie de savoir, c'est peut-être ça, malgré tout, ce qui est essentiel chez eux. Oui, et c'est ce qui est touchant chez eux, et qui n'est aussi totalement incompris par ceux qui sont autour d'eux, qui leur renvoient sans cesse à la figure ce qu'ils font mal, et eux évidemment n'ont aucune constance dans ce qu'ils font. Mais alors là, si on parle de régime d'historicité, c'est aussi de la part de Flaubert une manière de vomir le monde moderne. Oui. Clairement, c'est clairement ça, à travers ces deux personnages très touchants. Donc voilà, on retrouve les régimes d'historicité, on comprend hein, pourquoi cette phrase de Michel de Certeau vous avait interpellé. C'est vrai que le temps est partout, mais on n'y pense pas. Élément d'analyse essentiel, donc cette lecture à la rencontre de Chronos, François Hartog, que vous publiez pour réfléchir à votre parcours et surtout à la construction de cette pensée. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel. Alors, là aussi, c'est essentiel, le pourquoi du comment. Comment censurer un historien ? Au début de la Troisième République, l'historien qui régnait sur l'édition française s'appelait Ernest Lavis. Professeur à la Sorbonne, membre de l'Académie française, il dirigeait les principales collections de manuels scolaires et d'ouvrages savants sur l'histoire de France. il fut le premier à se lancer dans des publications collectives réunissant les meilleurs historiens de son temps. C'est dans cette perspective qu'il mit en chantier une histoire de la France contemporaine pour laquelle il réunit une équipe composée de ses anciens élèves. Le premier volume, centré sur la Révolution française, fut confié à Philippe Sagnac, sans doute le meilleur spécialiste de cette période. Dans les archives de Lucien R, le bibliothécaire de l'École normale supérieure, qui fut associé à cette entreprise collective, Alice Gérard a retrouvé les épreuves du manuscrit rédigé par Sagnac avec les corrections du directeur de la publication datée de 1913. Sur les 437 pages du texte, à peu près aucune n'est exempte de ratures et de corrections diverses. On ne peut qu'admirer le soin avec lequel Ernest Lavis, l'une des grandes personnalités de l'époque, comblé de charges et d'honneurs, a assumé sa tâche de directeur de collection, en passant un grand nombre d'heures à corriger le manuscrit de son collègue. Je ne suis pas sûr que ce genre d'exemple puisse se retrouver aujourd'hui. Cette relecture scrupuleuse s'explique, sans doute en partie, parce que le contrat de directeur de collection que Lavis avait signé le plaçait dans la dépendance de son éditeur, la maison Hachette. Ce contrat stipulait qu'il devait surveiller la rédaction et, au besoin, faire modifier le manuscrit. Il était précisé que les auteurs qu'Ernest Lavis avait sous sa coupe devaient éviter, je cite, « de donner au lecteur l'impression d'une œuvre de polémique, alors qu'il faut qu'il se sente en présence d'une œuvre de bonne foi scientifique ». L'examen des critiques que Lavis adressa au manuscrit de Sagnac montre comment il s'acquitta de sa tâche. Elles peuvent être regroupées en deux grands ensembles. Le premier concerne le style. Grâce à sa longue expérience, Lavis savait que pour toucher le grand public, il fallait être capable de traduire les connaissances savantes dans un langage accessible à tous. Exigence que Sagnac, trop enfermé dans le petit monde des spécialistes, avait eu tendance à négliger. D'où la multitude des remarques sur le langage trop abstrait, l'absence d'exemples, de détails, etc. Le second ensemble de critiques montre les contradictions dans lesquelles se débattait le professeur Lavis, qui ne cessait de défendre l'objectivité de la science sans pour autant la respecter lui-même. Ses réflexions sur le manuscrit de Sagnac reflètent très souvent le point de vue du républicain modéré qu'était Ernest Lavis face au raisonnement d'un élève beaucoup plus à gauche que lui. Sagnac ne manquait pas une occasion dans son texte de rappeler que la bourgeoisie a voulu arrêter dès 1789 le mouvement démocratique, pour reprendre ses termes. Mais dans la version finale, c'est Lavis qui imposa son point de vue, celui d'un bourgeois libéral soucieux de légitimer la politique libérale de l'Assemblée constituante. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau et Alexandre Manzanares. Merci aux équipes techniques de France Culture et à celles qui préparent cette émission, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Jeanne Copet, Mayouen Guizhou et Raphaël Laloum. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour les archives à la discothèque numérique centrale de Radio France. Toute la semaine, nous nous intéressons aux souvenirs d'historiennes et d'historiens. Annette Vivorca, Camille Lefebvre, François Hartog. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.